prête pour oublier. Laissez-nous danser en équilibre. Vide-nous la tête au quotidien. Ça nous fait du bien de tout penser. C'est pas plus nos têtes, personne qui fait la queue. On est là pour faire la fête. Y'a des jeunes et des vieux, y'a des riches et des pauvres. Y'a de la peur, y'a des femmes et des hommes. Tu l'as beau, le peuple se rassemble. Je trouve ça beau, les couleurs s'assemblent. C'est le cadeau. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal à la, j'ai mal à la vie. J'ai mal à la, j'ai mal à la, j'ai mal à la vie. Alors faut penser, faut plus penser à ce qu'il y a autour de moi. Et c'est pareil pour toi. On t'accepte qui que tu sois. Tu fais comme chez toi. On est là pour foutre la merde, s'évader un peu. On n'a plus rien à perdre. Et si oui c'est peu. On est pas là pour faire la guerre. On est pas là pour faire la guerre. Mais on est sur terre. Y'a toujours des envieux. On fait la fête pour oublier. Laissez-nous danser en équilibre. Vide-nous la tête au quotidien. Ça nous fait du bien de vous penser. On veut oublier, on veut oublier. Chasser de nos têtes les problèmes outillés. Laisse-moi fumer un peu que je rêve de billets. Je rêve de billets. Laisse-moi danser, je sais je suis qui est.